Bonsoir. La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde! On peut discuter peut-être? Ça va trancher, chérie! Je vous préviens. Attention où vous mettez les pieds. Je mets les pieds où je veux, Little John. Et c'est souvent dans la gueule. Les enfants! Les enfants! Les enfants! Regardez-nous. Hein? On est vraiment obligé d'en arriver là? Je sais pas, on pourrait pas trouver un arrangement? Hein? Toi, tu parleras le jour où on t'aura sonné, petit con! C'est l'heure du duel! Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culture IMS, le podcast qui vous parle de culture avec un gros cul. Je suis Florent et je suis ce soir avec mes trois comparses habituels, j'ai nommé Thomas. Hey, bonsoir, ravi de vous retrouver. Bonsoir Thomas, comment ça va ? Je suis content d'être là. Eh ben moi aussi, je suis content mais que tu sois là. Content, tu peux pas imaginer. Eh ben non, je n'imagine pas du coup. C'est voilà. Pour ça que je te le dis. Ah ok, je suis aussi, merci, je suis aussi avec Arthur. Bonjour, bonjour à tous, préparateur physique de Gérard Depardieu dans la série Marseille. Et je suis aussi avec Erwan. Salut mes petites gaufres. Salut. Aromatisées de sucre de cannelle. Oh, le sucre de ça cannelle. Ça n'existe pas encore, mais je compte le breveter d'ici 1 à 2 millénaires peut-être. Très bien, merci. Merci, nous sommes ravis de vous retrouver pour votre dose de Culture IMS. Je vous rappelle qu'on est toujours sur Facebook, Twitter et Instagram. Et maintenant, petite nouveauté, parce qu'on se développe, mais on se développe plutôt comme il faut. Développé couché. Allez, Thibaut Inchep, Jim, salut. On a aussi un petit site internet, ça s'appelle culturims.lepodcast.fr et vous pouvez télécharger toutes nos émissions ou les écouter comme ça en libre service. C'est un petit peu comme un self de radio, j'ai envie de vous dire. Vous pouvez nous écouter à la 20e minute, à la 40e minute, quand ça vous plaît. Voilà, on va peut-être passer aux chroniques maintenant. Eh oui. Eh oui. Bien. Parce qu'on a du boulot aujourd'hui, hein. Alors, vous l'aurez deviné, je vais bien sûr parler du dernier opus de Laurent Voulzy et d'Alain Souchon. Un opus tout en simplicité et c'est pas du tout ma chronique. Qu'est-ce que c'est ce délire ? Non, je vais vous parler de Deadpool. Ah, la poule morte, la poule morte. Alors, Deadpool, on va commencer un petit peu. Voilà, ouais, on commence elle aussi très très haut au niveau des vannes. Voilà, elle est faite, très on n'en parle plus. C'est fini, c'est pas ma faute si le Québec choisit ses titres littéralement, hein, voilà. Il s'appelle vraiment la poule morte ? Non. J'ai eu peur. J'y ai cru aussi pendant un moment. Non, si on voudrait, ouais, voilà. Si on voulait traduire littéralement, ce serait plutôt la piscine morte. Enfin, voilà, c'est le lien avec le personnage, on s'en fout. Du coup, on va commencer par parler du film en lui-même et de comment il a été créé, etc. Parce que il a mis longtemps à sortir, en fait. Il faut savoir que la première apparition de Deadpool sur grand écran, elle se fait en 2009. X-Men Origins Wolverine. Voilà, donc c'est un film. Oui, mais c'est un film dont bien évidemment nous ne parlerons pas parce que c'est une daube. Personnellement, pour moi, c'est une daube. Ça l'est pour moi aussi. Ouais, voilà. Et surtout, c'est une daube au niveau de sa caractérisation de Deadpool. Je sais pas si vous connaissez un petit peu le personnage de Deadpool, les gars, ou pas. Yes. Oui, tout à fait. Voilà. Et du coup. Tu connais bien personnellement Ouais, je connais bien, c'est un bon ami à moi. D'accord. J'ai son numéro de téléphone. Ok, vas-y, donne. 1. Ok, bonne réponse. Remarque, tu me diras, personne n'a le numéro 1 en téléphone. Non, bah non, mais peut-être que lui là. Bah, voilà. Tu fais 1. Alors, bien évidemment, ceci était un jeu pour exclure Erwan de Culture Ims. Tapez 1 et envoyez-le au 8-12-12. Merci. Non, du coup, dans ce film, la seule caractéristique qu'ils ont donnée au personnage au début, quand il n'est pas encore transformé, spoiler alerte, excusez-moi, c'est qu'il parle, et il fait des vannes. Donc ça, c'est, on a véritablement le personnage de Deadpool qui est mis en place, tout ça. Et les studios, ils se sont dit, tiens, si on lui faisait fermer sa gueule à ce connard. Ah bah oui, la bonne idée, celui qu'on appelle le mercenaire avec une bouche, on lui fait fermer sa gueule. La seule chose qu'on peut dire de positive entre guillemets de ce film, c'est que c'est déjà Ryan Reynolds qui tient le rôle de Wade Wilson, aka Deadpool. J'espère ne pas spoiler les anecdotes à picorer, mais c'est déjà Hugh Jackman qui avait permis à ce que Ryan Reynolds soit dans ce film. Alors tu ne spoiles pas. Ah, me voilà. Donc Rachel. Voilà. Après ce film dont on ne parlera toujours pas, il y a eu un script qui a été fait en janvier 2010. Et est-ce que vous savez à qui il a été présenté au départ, au tout départ, qui devait le réaliser? Un studio? Non, un réalisateur. Daniel Balavoine. Daniel Balavoine, non, il n'était pas là parce qu'il enregistrait. Oh, c'est Martin Scorsese? Non, c'est... Tu rigoles, non, c'est un réalisateur. Parce que ça aurait été vraiment stylé pour le coup. Philippe, non, alors, très franchement... Lachaud. Non. Ça aurait pu donner quelque chose de très bien d'ailleurs. Philippe Etchevest. Non, c'est Robert Rodriguez qui a failli le faire. Ah oui, voilà. Ah, oui, quand même. Oui, Robert Rodriguez. D'accord, donc il y en a deux qui n'ont pas la référence. Les gars sont dans Culture Ims. Vous connaissez Tarantino? Eh ben, c'est le compère. Voilà. Voilà. Robert Rodriguez, c'est, on est d'accord, Machete, Arthur, c'est etc. Machete, les films, certains films avec Antonio Banderas. Oui, voilà. Oui, ouais, c'est voilà. Un peu le Fred de Omar et Fred, quoi. Oui, d'accord. Okay. je sais pas, c'est ça. Je sais pas si le truc est vraiment... Je suis pas très fort en métaphore, mais j'essaie de développer. Mais c'est quelqu'un qui est très connu dans la pop culture, tout ça. Bah, et d'ailleurs, à l'heure où vous allez écouter ce podcast, il aura sorti un nouveau film, Alita Battle Angel. Ah, ok. Voilà, c'est lui, c'est le fameux... Dans toutes les salles. Oui. Alors, c'était en janvier 2010. Sauf que, en août 2010, peu de mois après, le projet semble compromis. Mais pourquoi? Eh bien, parce que un certain Ryan Reynolds s'est engagé dans un certain film qui s'appelle Green Lantern, dont on ne parlera pas non plus. Ah, voilà. Oui, voilà. Donc, on peut vraiment dire que la carrière de Ryan Reynolds, c'est en dents de scie, quoi. C'est le gars fait des films. Là, il était plutôt dans le bas des dents de scie, tu vois. C'est... Et du coup, on va voyager 2 ans après, c'est en octobre 2012. Et le réalisateur qui sera le réalisateur du premier film, donc Tim Miller, il annonce que le scénario il est bouclé, qu'il attend juste le feu vert en fait pour lancer le film. Mais les studios ils disent avant on va faire X-Men le commencement, et puis Wolverine le combat de l'immortel, et puis X-Men Days of Future Past, ce qui est quand même assez long, 3 films avant de Wolverine le combat de l'immortel. Je crois que c'est un des seuls X-Men que j'ai pas réussi à voir à la fin. Ah mais moi j'ai réussi, t'inquiète pas, j'ai chié des larmes. Ennuyant. Bah, si t'as chié des larmes, du coup, ça devait passer un petit peu plus facilement. C'est... Ah non, alors ça lubrifiait super bien pour la suite, mais le début était pas super agréable. Ouais, non, on est bien d'accord. Je te déconseille. Oui, non, ce film aussi n'est pas foufou. Et du coup, c'est en 2014, donc 5 ans quand même après le film maudit, donc X-Men Origins Wolverine, et donc 4 ans après que le script ait été présenté à Robert Rodriguez, que Deadpool réapparaît, et là. Les fans ont eu l'espoir. On a eu une vidéo qui a leaké sur Internet, donc une vidéo qui a fuité. On ne sait pas qui c'est qui l'a fait fuiter, mais en gros, c'est une vidéo qui est faite entièrement en images de synthèse et qui montre Deadpool à l'œuvre. Je ne sais pas si vous voyez de quelle vidéo la je parle. La scène d'intro dans la voiture. Voilà. C'est en gros, c'est la scène d'intro dans la voiture. Je crois que c'était dans mes anecdotes à picorer, mais du coup, c'est pas grave. Elle avait fuité, celle-ci. Alors, celle-ci, elle avait fuité. Ils ont fait en sorte que ça fuite. Alors, il y a beaucoup de sources qui disent que c'est Ryan Reynolds himself qui l'aurait fait fuiter. Donc, en gros, c'est lui, en fait, il est tellement attaché au projet. C'est son bébé. Hein. Je sens qu'après son petit frère, le petit frère du bébé, Green Lantern, il peut se rattacher quand même. Ouais, ouais. Il était sur le projet. Projet depuis 2009 quand même. Il en parle beaucoup dans les interviews et tout. Ah c'est vraiment un personnage qu'il adore jouer. Lui. Ah oui, c'est clair. Hein. Et pour le coup, ça l'avait fait chier Green Lantern et on voit que ça n'a pas très bien marché. Pour cause. Et du coup, juste, tout le monde voit cette vidéo et il ne faut que 24 heures au studio pour lancer le feu vert et dire faites le film les gars. avec l'engouement que ça, ça a provoqué. Donc la scène d'intro a été faite avant, avant que le film ait vraiment en fait, été si lancé. Si tu veux, c'était une scène test en fait. C'était une scène test pour voir si ça allait plaire au public et tout. Ils l'ont montré en confidentiel. Je sais pas ce qui en est ressorti parce que je suis pas dans ce niveau de la Fox et tout. Mais tu fais pas l'effort. Moi, je suis sur Universal. Non, bah moi c'est Paramount. Désolé. Ah pardon. Voilà pour ça. C'est pâté. Florent, c'est pâté si tu veux. C'est Gaumont. Salut les gars. Ça et qu'est-ce qu'on a fait, mon bon Dieu? Vas-y, dis des anecdotes. Non, arrête. Attends, mais il y a que aux States où on se dit bon bah on fait une scène test. Bon bah on va exploser. Allez, une vingtaine de voitures, on fait péter un pont. Non mais c'est que en image de synthèse. Pour tester. Non mais c'est même. Va le faire en synthèse. Ok. Challenge en accepté. En France, bon bah on a un mur blanc. Bon bah on fait des tests, ça marche. Allez. Ça, vas-y, fais la tristesse. Ok. Cool. C'est bon, t'es engagé. Non, et du coup, il faut juste 24 heures. Donc, là, on arrive, on est en septembre 2014. Et là, 20th Century Fox dit, ok, allez, on lance le film, c'est parti. Et du coup, c'est intégré dans l'univers X-Men. Et le premier film sort en 2016 sur les écrans. Donc, c'est-à-dire que X-Men Origins Wolverine 2009, le truc sort en 2016. Donc, on a quand même un bon 7 ans de tiens, qu'est-ce qu'on le fait? Ouais, non. Ouais, si, ouais. On le fait? Non. Ouais, non. Ouais, je pense qu'on a compris. Voilà. Ouais. C'est après, t'es sûr? C'est très courant à Hollywood que les films durent des années avant de se faire. Alors, là, je suis d'accord. Mais en fait, c'est 7 ans où vraiment on en a parlé, mais tout le temps, quoi. Alors, je sais que c'est pas le premier film qui fait ça, mais c'est quand même assez long parce que c'est un personnage qui était aimé, qui était demandé des fans et du coup on en parle de Jurassic Park ou pas? Combien de temps ça a mis à se faire? Je connais pas, je sais pas ce que c'est. Et du coup, bien évidemment, il sort en 2016 et il est réalisé par Tim Miller. Donc le gars n'a fait aucun film avant, hein. C'est son premier film et bien évidemment c'est toujours Ryan Reynolds dans le rôle titre. Du coup, on commence directement par la scène d'action qui a fuité. Yes. Voilà, donc la scène de l'autoroute, machin. Et on assiste ensuite à comment Deadpool est né un petit peu, etc. Alors moi, personnellement, je trouve que le film, il a pas une histoire hyper originale. Je trouve que c'est... En fait, ce qu'il a... Merci. Thomas a la grippe. Non, désolé, en fait, les followers. C'est pas grave. Non, je trouve qu'il a pas une histoire hyper originale. Le seul truc qui est original, c'est qu'en fait, ça commence directement par une scène de baston. Et ensuite, tu découvres comment il est né. Mais en gros, c'est une origin story dans tous les cas. Mais après, de toute façon, généralement, les premiers films comme ça, c'est un peu, pas une nécessité, mais quasiment d'avoir un minimum de l'histoire du personnage. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je trouve quand même que c'est pas une histoire hyper originale. Il n'y a pas besoin que ça soit original pour que ça se fasse un bon film. Ah oui, non, mais j'ai pas dit le con. Ils vont me casser les couilles. C'est vrai. Non, alors, moi, ce que j'ai bien aimé... Mais t'as besoin d'eux pour faire une omelette. Oui. Et je ne vois pas le rapport. Non, ça marche pas non plus. Non, bon, voilà. ouais, non, je cherche d'autres métaphores. Fais-nous un jeu sur les métaphores, après on verra. Dans une autre émission. Sur les salons de coiffure. Ouais. Mais du coup, en gros, c'est un film Marvel. En gros, ils reprennent quasiment le même truc, en plus trash et avec des vannes qui viennent du fond du slip. Voilà, en gros, c'est ça. Et bien évidemment, suite au succès de ce premier film, oh, sans déconner, Deadpool, un truc violent, trash et rigolo à la fois, ça marche. Oh, bah dis donc. Les studios disent, bah, on va en mettre un deuxième directement sur les rails. Et là, c'est, y a une petite embrouille entre le réalisateur du premier, Tim Miller, et Ryan Reynolds. Donc du coup, Tim Miller quitte le navire. Le mec qui a fait la bande originale, c'était XL Junkie, je crois, quitte aussi le projet. Et du coup, c'est David Leitch qui le remplace. David Leitch qui, je crois, si je ne me trompe pas, a réalisé un des John Wick. Les deux, je crois. Les deux. Mmh. Donc, on est plutôt sur du bon gars niveau film d'action. C'est un d'action, très bon réalisateur. Surtout que s'il a fait les deux premiers de John Wick, les deux premiers de John Wick sont quand même assez hallucinants. Plutôt pas mal. C'est un des meilleurs films d'action que j'ai pu voir ces dernières années. C'est clair. Et du coup, là, l'histoire, en fait, elle présente Cable. Donc Cable, on en reparlera un petit peu dans les anecdotes. Ouais, numéricable, c'est fait. Oui, la fibre, Cable, avec Deadpool. Cable Ethernet, tout ça. Qui a été longtemps en duo avec Deadpool dans les comics. Donc c'est pour ça qu'il le présente dès le deuxième film, machin, etc. Et en gros, l'histoire, c'est Cable qui cherche à annuler la mort de sa femme et de sa fille en tuant un mutant quand il était enfant en voyageant dans le temps. Sauf que, bah, bien évidemment, dans tous les films, les voyages dans le temps, c'est un sujet casse-gueule. Ça, dans tous les films. Mais quand tu regardes le film, en fait, le film, il en a rien à branler du voyage dans le temps. C'est plus un prétexte pour dire, eh, viens, on fait venir Cable parce que c'est qu'une intrigue mineure, le voyage dans le temps. Ouais, clairement. Et même il y ait fait référence que c'est pas que qu'ils s'en battent les couilles parce que je crois que c'est Deadpool qui à un moment dit ah oui d'accord du voyage dans le temps mais ça marche pas comme ça machin. Ouais le scénario est un peu paresseux quoi du coup voilà du coup je trouve que c'est des bons films on brise le quatrième mur et ça c'est excellent donc ça veut dire que en gros briser le quatrième mur c'est que Deadpool c'est le seul à avoir conscience qu'il est dans un film. Et ça, c'est déjà le cas dans les comics. C'est énorme, ça. C'est énorme. Dans les comics, ça, déjà, ils passent de bulle à l'autre, ils se retrouvent avec d'autres Deadpool et tout. Et puis même dans certaines scènes où il peut y avoir, je sais pas, il a fait équipe aussi avec Spider-Man à un moment, il y a Spider-Man qui lui dit « On est où ?» Et l'autre, il fait « Page 27, ligne 4. » Ah ok, d'accord. Tu vois, c'est le... Donc, Ryan Reynolds, c'est Deadpool. Juste le gars, c'est Deadpool. Pour moi, c'est Deadpool. Et c'est un petit peu... ça pourrait rentrer dans les anecdotes à picorer, mais il faut savoir que Ryan Reynolds, il a commencé sa carrière quand Deadpool est apparu. Et il fait la même taille, le même poids. Il a la même couleur des yeux, tout ça, c'est quasiment la copie conforme de Deadpool. Mais vraiment. D'accord. Il y a plein de références. Nous, ça, un film qui, où il y a des références méta ou pas. Et des bonnes références. C'est ça qui est intéressant. Je trouve ça cool. Moi, ce que j'ai un peu moins aimé, c'est dans Deadpool 2. Je trouve que la construction du film elle est un peu similaire au premier. En gros, la scène d'ouverture, c'est vraiment. Alors, vous avez vu ? J'en suis arrivé là, mais comment j'en suis arrivé là ? Bah, c'est-à-dire que c'est un peu l'histoire du premier, sauf que là, t'es déjà Deadpool. Donc, Je pense que c'est surtout Ryan Reynolds qui a posé le fil conducteur du film. Il a dit, dans le 1, ça a marché comme ça, on va refaire la même chose avec plus d'explosions, plus de guests, etc. Donc, il n'y a pas ce sentiment de nouveauté, de fraîcheur qu'on a eu avec le premier. Je pense que c'est surtout ça qui a joué, qu'il y a pour ma part, une petite déception pour le 2. Ah oui, moi, c'est clairement une déception, en fait. Le film, il est très bon, je l'aime bien, il est bon, c'est un bon film d'action, mais je trouve que... tu fais le scénario t'enlèves toutes les actions qui sont différentes tout ça c'est exactement le même film que le premier quoi c'est quasiment ça je trouve que c'est dommage de parce qu'il fait partie de l'univers X-Men je le rappelle mais c'est dommage d'utiliser entre guillemets des sous X-Men c'est pas forcément des sous X-Men mais si, clairement voilà il y a Colossus et Negasonic Teenage. Colossus est ok. Ouais, Colossus, ça va. C'est pour ça que j'ai apprécié dans le 2, qui est le fléau. Ouais, c'était bien. Et dans le 2, il y a aussi le petit caméo de toute la bande de X-Men version James McAvoy. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Et même dans le 1, quand il arrive au manoir, tu te dis, mais faut qu'il y en ait. Ouais, et en fait, la déception quand le manoir est vide, en fait. Je m'attendais à un petit gars sur une chaise roulante, un truc comme ça, quoi, pour te rappeler un petit peu ce que t'es. Mais non. Eh ben non, toujours pas. Et ce que je trouve dommage aussi dans le 2, c'est la création de la X-Force de l'équipe. Non, vous avez trouvé ça comment la création de l'équipe ? Moi je connaissais même pas pour tout vous dire. Alors non mais sans connaître tout ça, est-ce que vous trouvez elle parce sert que rien, elle a aucun intérêt. Voilà, elle a aucun intérêt. Elle sert pas le film. Elle sert pas le film parce que en fait, ils crèvent tous sauf Domino. Ouais, tu fais ouais, cool. Moi je l'ai un peu perçu autrement, je l'ai un peu perçu comme la X-Force, je l'ai un peu vu comme genre c'est Deadpool qui fait en sorte de forcer une amitié si tu veux. Et il dit bon allez on est la X-Force et tout, les autres ils vont un peu à reculons, moi je l'ai un peu plus vu comme ça genre... C'est une blague qui dure 10 minutes, voilà. Une blague qui dure 10 minutes dans un blockbuster hollywoodien comme ça, non. Et je sais pas si tu l'as dans l'anecdote à picorer, on peut dire l'acteur qui a fait un des... Non. D'accord. Non, c'est dans l'anecdote à picorer. Donc non. Je ne dirai rien. On va d'ailleurs, en parlant de ça, passer aux anecdotes à picorer. Ah. Oui, oui. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors, Deadpool est inspiré, c'est pas une création originale, il s'inspire d'un autre personnage de comics. Est-ce que vous savez lequel ou pas ? Allez, petit jeu, c'est parti. Ouais. Je sais pas du tout. Daredevil ? Non. Spider-Man. C'est pas un... alors, le costume, oui, s'inspire de Spider-Man. Mais vraiment, le personnage en lui-même, ça, il s'inspire d'un autre personnage, pas du même univers. La personnalité ou les caractéristiques du personnage ? Le personnage en lui-même, enfin le costume peut un peu vous mettre sur la voie, même si le rouge est emprunté clairement à Spider-Man. Non. Non. Non, c'est un mercenaire aussi. Ah, Deadshot. Non, Deathstroke. Deathstroke, ouais. Il a été emprunté à Deathstroke. Et en gros, c'était pour faire une parodie de Deathstroke. Pour finir sur les anecdotes à picorer, pas entièrement, voilà, directement. Non, sur les comics... Le créateur Rob Liefeld, si je ne me gourre pas, c'est sûrement dans le nom que je me gourre, il a été nommé l'homme le plus détesté au niveau de ceux qui font les comics parce que en fait ses créations sont trop graphiques, sont trop bizarres, et en fait le mec ne sait pas dessiner les pieds. Voilà, c'est une autre anecdote. Donc si vous lisez des comics Deadpool, vous verrez visiblement que les pieds sont mal dessinés si c'est des comics de Rob Liefeld. Voilà. Voilà. Alors, on s'en bat les couilles. Ouais, voilà. Les couilles. Bah, le jingle, je mérite ce jingle. J'ai envie de dire que ça nous fait une belle jambe. Voilà. Ça va nous faire les pieds. Ouh, yeah. Le premier fait dans les mains. Non, ça marche pas non plus. Bah, pas ouf, quoi. Reprends. Non, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vous ai dit que ça avait commencé en 2009, qu'il était apparu en 2009. Au cinéma pour la première fois, ça a failli arriver bien avant. Ça aurait dû être le premier film des studios Marvel. Il était prévu pour sortir en mai 2010. En mai 2010, les studios Marvel, ils annoncent un film sur Deadpool. Mais ça devait pas être un blockbuster forcément, mais ça devait être le premier film. Donc pour un premier film... Le début de la phase 1, quoi. Le début de la phase Avengers. Oui, je pense, ouais. Mais avec Deadpool, quoi. Tu fais, ouais, ok, différent, ok. Mais on va où ? Mais qu'est-ce que c'est ? Dans la séquence d'introduction de Deadpool dans le premier film, on va reparler du créateur, mais il est beaucoup présent, bien évidemment, il est présent dans le film, et le gobelet de café qui vole au début, dessus, il y a marqué Rob L, donc c'est un clin d'œil forcément au créateur. Et il fait même un petit caméo dans le bar de Weasel, quand Wade y entre pour la première fois. D'accord. Donc la première fois qu'il entre, on le voit. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais qu'on le voit. Avec un pied beau, non ? Ok, donc là, vraisemblablement, bienvenue sur les pieds. Quelle invention incroyable. Michel Simès, bonjour. Je suis Michel Simès, et tout de suite, on prend un auditeur au téléphone. Non, dans le film, dans la scène où Deadpool essaye de frapper Colossus, mais qu'il se brise les mains et les pieds, etc. Est-ce que vous savez à quel film ça fait référence ? Ça fait référence à un film, lequel ? Intouchable. Non. Oh, il a les pieds brisés pourtant. Ouais, non, mais c'est pas ça. Elle tourne beaucoup au niveau des pieds, cette chronique. Ouais, c'est ça. J'en ai aucune idée. Alors là, ça fait référence à une scène de Sacré Graal des Monty Python. La scène où il se bat à l'épée contre le chevalier noir. Contre le chevalier noir, et qu'il perd ses deux jambes, ses deux bras, etc. Voilà, donc ça, c'est une référence. Autre référence, lorsque Wade Wilson n'est pas encore Deadpool, mais qu'il cherche un surnom, il s'y regarde un tableau dans le bar, et c'est le tableau de la Deadpool. Oh là là, mais quel nom il va pouvoir choisir ? Et si vous arrêtez un petit peu le film à ce moment-là, vous allez pouvoir voir des petits noms de personnes que vous connaissez. Il y a marqué genre Reynolds R, donc c'est une référence à Ryan Reynolds. Il y a Lohan L, référence à Lindsay Lohan. Lindsay Lohan. Il y a Miley Cyrus aussi et Macaulay Culkin. Voilà. Il y a aussi d'autres références à Mike Tyson, Shia LaBeouf. Oh, quel accent. T'as vu ? T'as vu ? Okay. C'est validé ou pas ? Attendez, tu nous le refais dans 3, 2, 1. Shia LaBeouf. Oh. Et Ozzy Osbourne. Et il y a aussi encore une référence, tu vois, c'est ce que je disais, il est très très présent, à Rob Liefeld. Sur la scène de l'autoroute maintenant, on revient sur la scène de l'autoroute, on voit qu'il y a des panneaux de direction avec les noms des créateurs. Donc on voit le nom de Steve Ditko, qui est des créateurs de Spider-Man avec Stan Lee. Et on voit qu'il y a aussi la Parker Avenue. La Parker Avenue en référence à... Peter Parker. Allez, voilà. Non, à Peter Parker, bien évidemment. Je l'ai connu par cœur. Oh putain, on est encore sur une très très bonne émission ce soir. Mais... Si vous voyez la tête du regret de la Van Der Waal, c'est ça le plus beau dans cette vidéo. C'est ça. C'est la tête du regret qui s'est affichée sur lui. L'affrontement final de Deadpool 1, c'est sur l'aéroporteur du Shield qu'on voit dans Avengers 1. Ah ouais, j'avais même pas fait gaffe. Eh ben ouais, mais c'est ça. Donc c'est voilà, après il y a plein de références aussi à Hugh Jackman parce qu'ils sont quand même, ils sont bro, ils sont BFF comme on dit dans le métier. Et en fait, les mecs de la promo du film, ils ont fait croire que c'était une comédie romantique le premier, parce que le film il est sorti en février. Oui, le 14 février. Il est sorti le 14 ou le 16, je sais plus, mais ils ont dit ouais, vas-y, c'est une comédie romantique. Et si vous allez sur internet, vous mettez Deadpool comédie romantique, vous voyez les affiches qu'ils ont fait, c'est quand même assez marrant. on va faire assez vite maintenant le film numéro 2. La séquence d'ouverture, elle est chantée par qui? Une chanteuse hyper célèbre canadienne? Céline Dion. Allez, Brad Pitt apparaît dans le film. C'est le rôle, il a le rôle du fantôme, celui qui s'électrocute comme un connard. L'homme invisible. Oui, l'homme invisible. Voilà, donc c'est Brad Pitt. Mais c'est pas le seul caméo de qualité. Ryan Reynolds, il joue deux rôles dans le film. Donc il oui, y a Deadpool. Ça, je m'en étais rendu compte. Et il y a lequel? J'ai même pas fait gaffe à ça, mince. Et bah, c'est le fléau en motion capture. Il joue le fléau aussi. J'avais vu la, ça coûte moins cher au casting. Oui, bah c'est clair. Il y a, c'est Josh Brolin qui joue le rôle de Cable, mais avant il y a. D'ailleurs, non, mais d'ailleurs, ouais. Il était mal fait le fléau. Moi j'ai trouvé pas très bien fait. J'ai bien aimé le fait qu'il intervienne dans le film et tout. Ah oui, oui, oui. Mais il était moche. Oui, bah en même temps c'est de la motion capture, donc je pense qu'ils sont et comme il avait un casque, je pense qu'ils sont pas hyper fait chier, tu vois. D'ailleurs, avant, tant qu'on en parle, Josh Brolin, Marvel, ils l'ont fait quoi en 2018? Tu fais quoi, Josh, là? C'est parce que c'est deux studios différents. Pas grand chose de près. Ouais, enfin même le gars, il a tout fait. Il a fait, ils l'ont mis dans Avengers, ils l'ont mis dans grosse année, hein, grosse année. Ah oui, oui, grosse année. D'ailleurs, on en vient à ça pour le choix de Cable. Avant Josh Brolin, il y a beaucoup de noms qui ont été évoqués. Rami Malek, Sacha Baron Cohen. Du coup, il voulait faire une version vraiment dark du personnage. Et tout. Non, il y a Ron Perlman qui avait été évoqué. Vous voyez pas qui c'est? Non, pas du tout. C'est le premier Hellboy. Oh. Ah oui. Voilà. Il y a Liam Neeson. J'aurais adoré. Deuxième Hellboy, c'est ça? Non. Non, Liam Neeson, c'est bon chance, Taken. C'est Taken. Il y a John Hamm, c'est le mec qui joue dans Mad Men. Ah, Michael ouais. Shannon, vous voyez qui c'est ou pas Michael Shannon? Le général Zod dans Man of Steel. Ah oui, c'est voilà. Bon. Bernard Pichon. Attends. Dolph Lundgren. Oh, ça j'aurais adoré. Ah, ça aurait été énorme, ça. Je pense que ça aurait été énorme. Gérard Butler et Pierce Brosnan. Oh, il est vieux quand même. Ascenseur émotionnel d'Erwan. Ouais. Hey, oh. Trop bizarre. Je me rappelle de la belle époque, James Bond et tout, mais. Ah bah, c'était 98, l'époque James Bond et tout. C'est ça. Après, il y a eu ma mamie. Hein. Et du. Mon Dieu. Quand Cable arrive dans le présent, il y a deux mecs qui se parlent à l'arrière d'un pick-up. Vous savez qui c'est ou pas? On n'a pas le film devant les yeux, gars. Non, mais il y a deux mecs qui parlent. On ne voit pas qui c'est. Ils sont grimés. Mais est-ce que vous savez qui c'est? Alors, non. Un des deux, c'est Alan Tudyk. C'est un acteur qui est quand même assez connu. Aux États-Unis. Après, je pourrais pas vraiment vous dire dans quoi il joue parce que c'est plus un acteur secondaire qu'autre chose, je pense. Et l'autre, c'est un certain Matt Damon. Sérieux? Ah, ouais. C'était vraiment les pires caméos du monde. Si tu remarques. En fait, Ryan Reynolds, il a appelé tous ses copains de l'avant de son répertoire. Hey, c'était ça. Un petit rôle. Hey, c'est fait ça. Quoi, et là, on va finir ces petites anecdotes à picorer. Cable, c'est le fils d'un mutant qui est très très connu. Lequel? Magneto. Non. Pourquoi bah tu non, pas fait un ça pourrait. Il a des enfants, Magneto. Mais c'est pas ça. Il est dans les X-Men. Il est dans les X-Men, c'est un des X-Men principaux. Ah, les yeux rouges là. Cyclope. Voilà. Et le vrai nom de Cable, pour finir, c'est Nathan Christopher Charles Summer. Nathan, c'est son premier prénom. Charles, ça doit être en référence à Charles Xavier. Et Christopher, je pense que ça doit être en référence au Marseillais ou au Ch'ti, un truc comme ça. Voilà, c'est tout pour moi. On va tout de suite passer au billet d'humeur. C'est parti! Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça vous fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Moi, quand vous faites ça, ça me fout une angoisse. Je pourrais vous tuer, je crois. De chagrin. Le billet d'humeur, on va commencer tout de suite avec Arthur, c'est à toi. Oh oui. Oh, et je suis tout joyeux. Il était tellement content. Ah oui. Oui. Pour une fois, c'est un coup de cœur. Et on va parler sport. Ah, il y a Nakamura. Non. Oui, Nakamura. Mais non. Non, voilà, tout simplement, je suis content parce que hier, Paris a enfin gagné un match en Ligue des Champions, ce qui n'est pas arrivé depuis alors, très longtemps. Hier, je te rappelle que. Alors, j'ai les dates sous les yeux. Il n'a pas compris qu'on enregistrait plus tôt. Hein. Nous sommes pas en live, on m'aurait montré. Ce Culturims-là, il sort le 1er mars. Nous alors, Paris est actuellement... qualifié. La France est qualifiée pour la Coupe du Monde 98. Nous sommes actuellement le 13 février. Donc hier... Et on a gagné la Coupe du Monde. Mardi 12, il y avait le match aller de la Ligue des Champions, PSG-Manchester United. Et forcément, bah, gros match. Enfin un gros match pour une équipe française et Paris a brisé la malédiction comme quoi une grosse équipe arrive et ben il se chie dessus. Et ben non, 2-0 à Manchester. Il a brisé Manchester. C'était mon analyse pointue. À bientôt pour de nouvelles analyses de foot. Mais, salut. Et à l'heure où vous écoutez l'émission, peut-être que Paris est qualifié. On suppose que Paris sera qualifié. Ils ont atterré, sinon je leur pète les jambes. Ou peut-être qu'ils ont gagné la Ligue des Champions. Et on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Voilà, donc en fait je suis très content parce que pour une fois Paris est il cité. Est content. Bah oui. Une équipe française qui gagne chez un gros, c'est pas souvent que ça arrive, surtout au foot. Donc je suis assez content. Et en plus, ils ont bien joué, il y avait la qualité. Et il n'y avait pas Neymar et Cavani au match aller. Donc le retour va être d'enfer. Les étrangers n'étaient pas là. Du coup, on a passé un bon match entre Européens. Bon, ça fait un peu analyse de foot du bar PMU à Toulon, mais bon. Eh bien, merci Pierre Ménès. On passe tout de suite au billet d'humeur d'Erwan. C'est à toi. Yes, et moi aussi je vous parlais d'un coup de cœur un petit peu. C'était la 34e cérémonie de la victoire des Victoires de la musique qui s'est déroulée le 8 février. Tu vas nous parler de la présentation de Daphné Burki peut-être. Et alors pas du tout. Pas du tout. Oui, effectivement, celle qui présidait le truc, qui présentait le truc, mais j'ai pas regardé en fait. J'ai juste... Non, mais moi je suis pas très. Je vais vous parler d'un truc que j'ai pas regardé. C'est juste voilà, j'ai vu les résultats et tout et ça m'a fait vachement plaisir parce que du coup artiste interprète masculin, on avait quand même Big Flo et Oli qui ont remporté. Yes. Voilà, face à Étienne Dao et Edith Preto. Pas dégueu. Ça va quand même, hein. C'est pas dégueu. Album de rap, donc on avait Lithopédion de Damso, un truc que j'aurais aimé vous parler si on avait fait un culturisme autour de ça, quoi. Il y avait Étienne Dao aussi dans l'album de rap. Et il y avait l'album de Giorgio, un album dont je vous avais parlé à vous trois. Off oui. Micro, voilà. Oui, c'est vrai, dans une émission pilote que vous n'entendrez jamais. Exactement. Et pour les deux petits derniers, c'était quelque chose d'assez spectaculaire. Pour album de musique urbaine, on a encore Big Flo et Oli qui ont gagné avec La Vie de Rêve, donc, dont je vous ai parlé un petit peu. Et ils affrontaient un album sous-côté, je pense, un album qui s'appelle Nakamura. Aya Nakamura, bien entendu. Sauf que cette petite demoiselle, elle a pas fait que ça. Elle était aussi prise dans les chansons originales parce qu'apparemment, Jaja serait une chanson originale. Ah bah rien qu'au niveau du choix des mots, ouais, c'est assez original. Au Scrabble, ça rapporte beaucoup de points et je pense qu'ils se sont basés là-dessus. Et sinon, c'est je me dis que toi aussi, de Boulevard des Airs, qui a gagné la chanson originale. Donc on est quand même content. J'imagine quand même bien la réunion du truc. C'est les gars, la chanson originale, qu'est-ce qu'on met dans les kata, cha, cha. Ah ouais, attends, tu parles sur moi, y a R. Katchana, c'est combien au Scrabble? 48. Ok, 48. Ça part, ça part tout de suite. Là, on le met dedans. Voilà, merci Erwan. Mais merci pour la musique. C'était intéressant. Bravo. Merci Arthur aussi. Ouais. On va tout de suite passer. Et on a passer. Hâte de voir les Césars et les Oscars aussi, qui devraient pas tarder pour nous. Oui, dont on vous parlera peut-être. Oui, c'est vrai, on vous parlera peut-être. Ou peut-être pas. On n'est pas obligé, on fait ce qu'on veut en même temps. S'il y a Bohemian Rhapsody qui gagne, je quitte le studio. D'ailleurs, alors c'est écrit, attends, bouge pas, tu vas signer. Encore au box-office à l'heure où on enregistre là. C'est ouf. Ah oui. C'est un truc de dingue. Complètement fou. J'ai failli aller au ciné la semaine dernière. Il y a toujours des gros cons pour aller voir des mauvais films. Bah, enfin, en même temps, j'ai envie de te dire, il y a toujours Notre-Dame de Paris qui est au Palais des Sports de Paris, sûrement. Puis voilà, on n'en fait pas tout. Enfin voilà, si tu veux partir là-dessus, c'est pareil. Du coup, maintenant, ça va être la chronique de Thomas. Yes. Allez, lourd. C'est parti. Et bien évidemment, Thomas va vous parler du nouvel album de Maître Gims. En fait, ça marche surtout cette chanson, vous êtes rendu compte ou pas? C'est-à-dire oh Parmigiano, oh Del Paso, oh Fiat Punto, ça marche avec tout. Je me suis fait remarquer tout à l'heure en réécoutant la chanson, en fait, ça marche avec tous les mots qui finissent en haut. Ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est quand même, faut qu'il y ait une règle, c'est qu'il faut que ça finisse faut en ça haut, finisse quoi. C'est la seule règle du truc. Ok, merci. Mais le jeu est marrant. Bah pour un prochain Culture Gims. Allez. Voilà. On creuse, à creuser. Et oui, les amis, ça y est, je vais vous parler de la fameuse série La Casa de Papel. Alors oui, tiens, avant toute chose, je tiens à rétablir le truc. En espagnol, ça se prononce bien La Casa de Papel, et pas non comme tous les Français qui disent La Casa de Papel. Faut arrêter, c'est La Casa de Papel. La maison de papier. Exactement, maison de papier, c'est la première chose que j'avais envie de dire. les Québécois, encore vous, fallait que vous traduisiez la série. Non, mais c'est pas possible. La maison des papiers. Donc on, ouais, les gars, c'est qu'ils sont fans de la chanson Pirouette Cacahuète. c'est un délire. Ça a vraiment été traduit au Québec. Donc au Québec, sont sorties deux saisons de La Maison de Papier. Alors moi, à la rigueur, on me dit ce soir sur France 2, il y a La Maison de Papier, tu regardes. Pas sûr. Pas ouf. Pas ouf, hein, pas sûr. Donc bien sûr, pour tout le monde l'a vu d'ailleurs autour de la table, la Casa de Papel. En effet. Non, du tout. Du tout si. Non, j'ai pas Netflix, donc je peux pas l'avoir. Si, senor. Ok, si, okay si. Depuis il est bilingue. Très bien. Donc pour ceux qui savent pas, la petite histoire, c'est que c'est une série télévisée espagnole qui a été réalisée par Alex Pina et diffusée courant 2017, donc sur l'équivalent de France 3 en Espagne. Donc on peut dire Espagne 3 en fait, si vous voulez. Espagne 3. Sur Espagne 3. Du coup, la bande originale a été faite par les Gypsy Kings. Et après Netflix s'est dit bah c'est pas mal, on va reprendre ça, et puis décembre 2017 on diffuse, puis vous connaissez le plus succès que ça vie. A été ensuite. Alors pour ceux qui connaissent pas, et pour Arthur surtout qui ne connaît pas l'histoire, la Casa de Papel, qu'est-ce que c'est? Alors c'est l'histoire d'un braquage, comme beaucoup comme un film de braquage. Comme beaucoup de et choses. Voilà, merci Thomas. Et la série raconte comment le professeur a tout préparé et organisé afin de commettre le braquage parfait au sein d'une fabrique nationale de monnaie et de timbres. Alors je vais faire le teuteux, le professeur, c'est le chef. C'est le chef. D'accord. C'est le taulier, c'est le patron, c'est... Le grand schtroumpf. C'est exactement ça. D'ailleurs, il a un bonnet rouge. Et pour réussir son plan, qu'est-ce qu'il fait? Il prend 8 repris de justice qui se font appeler par des noms de villes. Guy Georges. Les noms de villes sont les suivants: Nevers, Besançon, Rouen. On y reviendra tout à l'heure. Afin de protéger. Abervilliers. Nos gens le retrouvent. Qu'est-ce que tu fais là encore quand même? Putain, y a Ponto Combo qui nous a lâchés, les gars. On est dans la merde. Bonjour, ici les Moulineaux. Je vous présente Sergi Pontoise. Bon, allez, bon, on va faire toute la périphérie parisienne, bon, ou comment ça se passe? En tout cas, pour la Casa de Papel, c'est simple, c'est Tokyo, Nairobi, Rio, Moscou, Berlin, Denver, Helsinki et Bonny-sur-Loire et Oslo, qui vont se retrouver enfermés durant une dizaine de jours dans la fabrique pour tenter d'imprimer 2,4 milliards d'euros. Dans le même temps, le professeur, lui, parce que le professeur, il se mouille pas, hein, le professeur, il reste dehors. Non, oui, c'est vrai qu'il reste dehors. Et oui, allez-y. C'est un peu comme quand on va dans les labyrinthes, en fait. Il y a toujours un des potes qui dit: non, mais allez-y, puis si vous trouvez, vous m'appelez, je vous rejoindrai. Vas-y, devant, je te rejoins. Alors, pour commencer cette chronique, je vais parler du casting. Et le casting, j'ai mis un seul truc dans ma chronique, c'est bien. En toute objectivité, retrouver bien. Les analyses voilà. Les plus poussées. Alors, ensuite, pour continuer, les points positifs. Je me suis arrêté là, j'avais rien de plus. Montage bien. Non mais c'est vrai que 15 sur 20. Que alors on connaît pas les acteurs espagnols, voilà. mais c'est pas mal, de ce que j'ai cru comprendre, ils sont pas non plus hyper ils sont hyper connus en Espagne. Bah, maintenant oui, avec oui non mais maintenant mais je parle de avant. Non, avant de base non. Avant c'était plutôt des inconnus qui ont fait des téléfilms, des trucs comme ça. Ouais ouais. Donc on est quand même sur. Mais au final je trouve que le casting fait l'affaire, du coup c'est le seul truc qui m'est venu, c'est bien. Bah écoutez, alors pour les points positifs maintenant, c'est bien, on est efficace aujourd'hui. Moi perso, je suis un gros fan de toute la saga Ocean's 11, Ocean's 12, ouais. Ocean's 13. Et j'adore. Ocean's 8, t'en as pensé quoi Thomas? Alors pas vu encore, ouais, et j'en parlerai très bientôt, c'est dans mes projets. Ah! Tiens, idée, hop là, paf, tac. Prochaine chronique, Tom Elbrook, vous le notez les internautes, ça sera une chronique sur Ocean's. D'accord, donc ça sert à quoi que je me casse le cul à faire des indices sur les réseaux sociaux en fait? Du coup, non mais je sais pas. Eh ben je ferai autre chose, je ferai croire qu'on fait autre chose et on fera vraiment ça. Reportage sur les pélicans de la Nouvelle-Orléans. Eh ben non. Moi je suis un gros fan voilà, de Ocean's 11 et de la saga Insaisissable aussi, les deux Insaisissables. Oui. Donc c'est vrai que ces petits films à suspense où tu sens que l'histoire, toute l'histoire est piégeuse, tu dis mais ça est en train de capoter, et toute l'histoire se retourne, à la fin tu comprends que tout était prévu, j'aime bien ça. Et alors déjà il faut que je vous dise d'ailleurs un truc, parce que là on vous parle, on est en 2018 et moi les séries ça m'emmerde. On est en 2019. 2019 même. Alors t'es peut-être pas sur le même fuseau horaire du coup. Je suis sur le fuseau horaire d'Arthur, voici. Ouais. Faut que je précise ça, en fait moi ça me saoule toutes les séries où il y a un engouement de fou, genre Game of Thrones, Casa de Papel, tout ça, où tout le monde dit ouais, c'est trop bien. Donc j'aime bien attendre 6 mois, 1 an avant de les regarder tout seul chez moi. Alors, tranquille. Ouais, je connais ce sentiment là. Après, c'est pas le truc sans spoil, c'est vraiment le truc ouais, c'est une série de fou, donc tu t'attends un truc de malade. Et en fait, moi je suis pas comme toi, moi j'attends pas parce que je sais que si j'attends, je regarde le truc et je me dis ouais, bah pas ouf en fait. Non, en fait, parce moi, que tout le monde s'en est fait une montagne. Mon idée, c'est que sur les réseaux sociaux, voilà, ça crache de partout et que ça spoil partout. Moi, pendant toute la diffusion de Casa de Papel, tout défilait. Genre, lui, il est mort. Oh là là, lui, il a fait ça. Je savais pas de quoi ça parlait. Alors moi, j'ai regardé ma série tranquille. J'ai découvert tout au fur et à mesure et c'était très bien. Et peut-être que je regarderai Game of Thrones d'ici une dizaine d'années. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Donc, ce que j'ai aimé, moi, dans cette série, c'est que contrairement au braquage classique, celui-ci sort quand même un peu de l'ordinaire. Parce que l'équipe, elle va s'enfermer comme dans un... Faut avoir l'idée, hein. Elle va s'enfermer dans un établissement pour fabriquer eux-mêmes des billets qui seront impossibles à tracer. Donc, et c'est vrai que dans cette série, ce qui peut être déstabilisant, c'est le premier épisode. C'est-à-dire que, premier épisode, au bout de 9 minutes, le braquage a déjà commencé. Ouais, mais c'est ça. Donc, mais en gros, il n'y a pas de vol, en fait. Non, c'est un braquage, mais il n'y a pas de vol. Non, il n'y a pas de vol. C'est eux qui fabriquent, en gros, l'argent avec lequel ils partiront. Et donc, ils volent l'État, entre guillemets, mais ils ne volent pas les citoyens ou des trucs comme ça. Donc, c'est là où ils font tourner ça comme une bonne chose, quoi. Et donc, ce qui est déstabilisant, comme je le disais, c'est que dès le premier épisode, le braquage commence. Dès le début, donc là, on se dit, ok, donc on manque quand même une partie de l'intrigue ou autre. Et ce qui est bien, c'est que pendant les deux saisons, je n'aurais pu vous dire le nombre d'épisodes, voilà, on va avoir des petits flashbacks qui vont permettre de construire à la fois et le braquage et à la fois la préparation. Ce qui fait qu'il y a quasiment une double histoire en fait, qui se crée pendant la série, ce qui est assez prenant pour le coup. Donc c'est un point positif de cette série. Bah, et puis du coup, on découvre pourquoi les personnages ont ces relations entre eux dès le début en fait. Parce que ça fait quand même quasiment un an, 5-6 mois qu'ils sont ensemble et qui vivent quotidiennement ensemble, quoi, 24 heures sur 24. Après, je parle ça en année chien, mais... Merci de préciser. Non, c'est vrai que du coup, ce qui est plaisant, c'est que là, il n'y a pas de temps mort, si vous voulez. La tension monte constamment. Ils aiment bien faire des petits coups de stress à la fin de chaque épisode. Donc toi, il est 22h30, tu dis, bon, allez, un dernier. Allez, des petits cliffhangers de chien-loup, j'aime bien ça. À 4h15 du matin, tu dis, bon, allez, un dernier, et après, je vais me coucher. Après, j'ai fini la série. Donc ça, c'est assez plaisant. En ce qui concerne les personnages, moi, j'ai bien aimé aussi, je trouve que chaque personnalité, chaque personnage, sont sympas. Moi, ça m'a plu. Je pense au début que c'est des gros stéréotypes, genre, il y a le gros badass qui va tout casser, il y a la meuf intelligente, il y a le mec qui dirige, enfin, le beau gosse qui va choper. Au final, on Erwan. Erwan. Il voulait l'appeler comme ça, le beau gosse qui va choper. Moi, ils l'ont appelé Denver, du coup, c'est moche. Parce que c'était déjà prêt, a priori. Parce que Erwan, c'est pas une ville, déjà. Non mais de base c'est ça, en fait, je crois. Tu marques un point, j'avais oublié le concept initial des noms de villes. Ce qui a posé de gros soucis aux scénaristes d'ailleurs. Oui, mais moi je veux Erwan. Mais ce n'est pas une ville. Bon bah qu'est-ce qui se rapproche le plus d'Erwan? Bah Denver. Oui, ok, allez, bah, vas-y. Allez, ça va. Et donc, dernier voilà. Dinosaure. Qui allait la faire? C'était le grand jeu, voilà. Et bien c'est Arthur. C'est ça. Il a un point. On sait pas, Arthur, des fois il se cache dans le studio, on sait pas d'où il est, et là d'un coup, paf! Il sort le truc. La punchline, c'est ça! Les gilets jaunes, bam. On va pas venir. Donc c'est ça qui est plaisant, c'est que les. Ce qui est plaisant, c'est que les personnages, on découvre au fur et à mesure leur histoire, leur souffrance, leur passé aussi. Puis au final, on finit par tous les aimer. Ils ont tous un minimum de sympathie, et c'est ce qui est bien. Et ce qui est surtout particulier dans ce film, c'est que. Enfin, dans cette série, pardon, c'est que c'est censé être eux les méchants. Et au final, nous, l'affection qu'on a, c'est pour eux. Et on est contre les policiers, au final. C'est comme ça que c'est appréciable, parce que c'est tourné d'une certaine manière. Bah parce que c'est les personnages principaux, en fait. Je pense que c'est pour ça, totalement. Oui, après, mais dans la base du truc, ça serait... Voilà, on déteste les braqueurs, on est pour que la police sorte vis-à-vis qu'il y ait une soixantaine de d'otages. Pardon. Et là, c'est tourné de manière à ce que, du coup, on soit du côté... Après, il y a tout ce truc aussi de ce que tu disais, de ils essayent que ça soit fait sans violence... Bon, je vais pas te cacher qu'ils ont pas forcément réussi, mais ils essayent tout du moins, et ils volent pas les gens, ils volent l'État. Donc c'est ça aussi qui fait donc que... les gens, donc l'État, donc les gens. Et l'œuf ou la poule, c'est qui en premier? Enfin voilà, donc en gros pour l'histoire c'est ça, on va pas y revenir parce que je pense que vous qui nous écoutez avez pour la plupart vu la série, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. On va passer à la critique maintenant. Déjà avant toute chose, ayant bien, c'était bien. Bof. Allez, les anecdotes. Je dirais bof. Moi qui l'ai vu du coup à peu près une année après la première diffusion, je trouve que clairement l'engouement est trop grand. C'est une bonne série, c'est sympa, ça se regarde sur deux saisons. De là à ce que ça soit un mouvement planétaire, tout ça. C'était Arthur. Pas la série phare à un moment. Il y a eu Daredevil, ensuite il y a eu, comment il s'appelle, la mission avec Escobar. C'est Pablo. Narcos. Non, et alors, Narcos. Et là il y a eu un blanc, ils ont dû le mettre. Casa del Papel, c'est ça? C'était un peu ça, c'était un peu ça, mais sans que ce soit une originale Netflix. Le seul truc qui était original dans Netflix, c'est qu'ils l'ont coupé, Parce qu'il me semble que deux épisodes Netflix, c'était un épisode à la télé espagnole. Ouais, un truc comme ça. Non, même plus. Je crois que c'était des épisodes d'une heure, donc c'était trois. Enfin, ils ont dû tout recouper, en fait. Ils ont vraiment tout recoupé, tous les épisodes, justement. Ils ont tout décalé pour créer les petits cliffhangers à chaque fin d'épisode en même temps pour, voilà, pour les gens qui regardent. Et... Non, au final, c'est une série. Je sais même pas entre nous si Netflix s'attendait à ce que ça soit un aussi gros truc. Je pense qu'ils ont par rapport ça, à Marseille. Non, ah, c'est un échec. Non. À côté, c'est un échec. Non, mais après, c'est vrai que Netflix, à part évidemment pour Marseille, bien évidemment, ils ont quand même le nez fin sur quand même la plupart des trucs qu'ils font, quoi. Oui, c'est... sur le nombre de séries qu'ils mettent, il y en a quand même qui sont pas toutes. Là, c'est vrai que la Casa des Papels, je pense que ça les a quand même un peu dépassés. Enfin, moi personnellement, voilà, de là à ce que tout le monde s'habille en rouge et mette c'est des bien, masques mais de pas délit, ouf. Faut pas abuser non plus. Ça se regarde, c'est un bon moment. C'est un bon moment. Oui. C'est. Et ah oui, c'est clair. C'est pas non plus. Moi, je mais que c'est pas hyper exceptionnel non plus, quoi. Je trouve pas que le mouvement planétaire soit autant justifié, si vous voulez. Mais c'est avec les masques blancs, avec les moustaches, c'est ça. Oui, c'est ça, exactement, d'accord, exactement. D'accord. Ouais, je l'ai tout de suite. C'est peut-être pour et ça. Et puis surtout, autre critique, et je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pas de saison 3, bordel. Ah oui, non. Mais j'avais, qu'est-ce que c'est les histoires? Pas de saison 3, ça n'existe pas. Non, mais avec la fin qu'il y a. Ils veulent faire une saison 3. En fait, mais en fait ils ont signé pour faire une saison. Oui, mais c'est la logique de la poule aux œufs d'or, ça. Pour l'histoire. Et puis la saison de trop. Pour l'histoire, Espagne 3 a dit non, mais c'est bon, on arrête. On a fait deux saisons, c'était bien. Et Netflix a dit non, mais il faut que vous fassiez un truc. Donc les scénaristes se sont dit bon, on va retrouver une idée. Ils ont hésité pendant 6 mois, je crois, et ils ont reproposé une idée. Netflix, dès le début, a dit « Ok, ça, allez, vendu, on fait ça, c'est parti, banco. » Moi, je pense que faut voir ce qu'ils vont nous sortir en scénario, mais moi, je pense que ça risque d'être gâché. Je sais pas vous, mais... Ouais, non, moi, je pense aussi que, pour le coup... La fin était sympa. Je me prononce pas. Moi, c'est à voir. Franchement, à voir. Je me dis non, à voir. C'est à comme voir, tous les prequels qu'on nous met à chaque fois. Non, mais je suis d'accord. Mais à voir quand même. Il y en a certains qui peuvent être sympas. Faut pas que ça fasse une Walking Dead. C'est tout. Ah bah. Walking Dead, ouais. Ça commence à être long. Oui, faut arrêter là d'ailleurs. Walking Dead, si vous nous écoutez, faut arrêter là maintenant. Eh bien, les studios me viennent d'annoncer là. Je viens de la voir en direct. Ils arrêtent la série. Non. Moi, je pense, moi, de mon avis, voilà, c'est un peu dommage de faire une suite. Je trouve que. Faut se dire, voilà, c'est une série de deux saisons qui a bien marché. L'histoire s'est déroulée sur les deux saisons. Il y a une fin, il y a vraiment une fin à ce braquage. Et voilà, l'histoire se conclut ainsi. Là, c'est vrai que c'est vraiment Netflix qui dit, bon, bah voilà, money, venez, on fait une saison 3. Mais Narcos, ce qui m'inquiète. Narcos, c'était pas ça aussi avec. Tout le monde sait qu'à la fin, Escobar meurt, hein, on est d'accord. Oh. Ah bon. Ah, il est pas vivant. Non, mais Escobar meurt à la fin de la saison 1, et puis la saison 2, ils se sont dérivés vers autre chose. Et finalement, bah, c'est tout aussi bien, d'après les critiques. J'ai pas vu la série. Mais... Oui, non, mais, oui, non, mais c'est tout aussi bien, mais parce que c'est une autre histoire. Mais sauf que là, ce qui se passe dans la saison 3 de La Casa des Papel, c'est vraiment, ils vont faire revenir des personnages qui sont pas censés revenir. Ils ont pris goût à le redire. Voilà. Ouais. Là, par exemple, les gens comme moi qui se disent, on va pas regarder la saison 3, ils font une petite bonne annonce, ils disent, ah bah tiens, il y a un des personnages qui est mort qui revient. Alors moi j'ai pas voulu le dire, j'ai dit des personnages qui sont non. Pas là, qui sont là, mais toi tu dis un personnage mort direct. Ah mais je dis pas qui c'est, je dis pas, ouais, qui, mais... c'est. Je dis pas qui c'est. Il y en a trois qui sont morts, donc le choix est... Il y en a... Non, en vrai il y en a plusieurs. Et du coup leur nom c'est ça. Oh, ok. Donc c'est nos gens le retrouvent qui vient. Non, il y en a un qui est claqué et puis voilà, ça va être, c'est encore une petite attractivité en se disant bon bah il revient, on va quand même regarder comment il revient. Et puis voilà, on va se faire avoir là-dedans, c'est ce qui est malin dans la com, mais moi je trouve ça dommage de faire un tweet. Et je vous propose, les amis, de passer aux anecdotes à picorer. Ah. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Alors les gars, on va faire une petite exception aujourd'hui. J'ai pas mal cherché les anecdotes parce que je me suis dit que c'était ça qui était intéressant sur cette série. Et j'ai donc les bonnes anecdotes qui sont cool. Et on va finir par les anecdotes Wikipédia. À savoir que les anecdotes Wikipédia sont les pires anecdotes de l'histoire des anecdotes à picorer. Donc on va faire les bonnes anecdotes et on finira par les anecdotes Wikipédia. Vous allez voir, c'est à se frapper avec du fromage de chèvre. Non, les expressions, je t'assure, pas ouf. Ouais, c'est vrai, faut que j'arrête. Alors pour première anecdote, à la base, le professeur, lui, voulait recruter que... Le premier scénario, c'était que le professeur recruterait que des personnes atteintes d'une maladie en stade terminal. En gros, le gars, il se dit... Que des tétraplégies. Dr. House, nouvelle saison. En gros, c'est un peu... Je prends que des maths qui vont claquer et je me garde la thune. En fait, le professeur, ça devait être un gros bâtard. De ah base. Bah, dans l'idée, ouais, c'était un peu ça. Ok. Donc bon, idée bizarre. Autre anecdote, le personnage de Tokyo est inspiré d'un personnage de film assez connu. Est-ce que vous sauriez de qui c'est totalement inspiré, hein. Coiffure, tout ça, c'est inspiré, c'est bouffé du film. Alors, un film avec Jean Reno. Léon. Avec des petites... Exactement. C'est inspiré de Mathilda, jouée par Natalie Portman dans Léon. Et en fait, le personnage est totalement tiré de... Même, ouais, voilà, avec les cheveux. Mm-hmm. Totalement tiré de, du personnage de Natalie Portman. Autre histoire, la Fabrique Nationale de la Monnaie, donc la vraie, c'est pas celle qui a été braquée, mais la vraie en Espagne, elle a envoyé bouler les scénaristes. Les scénaristes, ils ont supplié. On peut regarder comment ça marche, voir pour visiter. Ils se sont fait... envoyer bouler, mais un nombre de fois. En même temps, non, mais en même temps, imagine, les mecs arrivent. Oui, bonjour. On vient juste pour filmer. C'est juste pour vous voir, pour faire une série sur comment on peut vous braquer. Et d'ailleurs, la Fabrique a pas porté plainte, mais presque, parce qu'elle a pas du tout apprécié l'image de la faible sécurité donnée par la série. Genre, ils ont vraiment totalement discrédibilisé. Personne, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et au début, alors autre anecdote. Au début, les scénaristes de La Casa de Papel ne voulaient pas donner des noms de villes. Est-ce que vous savez quels devaient être les noms des personnages à la base ? Des noms de fromages. Des noms d'animaux, genre suricate, raton laveur. Des célébrités ? Non. Eh, Monica Lewinsky, reviens ! Annie Cordy ! Nakamura ! Brian Joubert ! Reviens là, Thierry Beccaro ! Philippe ! Vous n'avez pas d'idée ? J'ai dit des sentiments, moi, tu sais, genre la colère, c'est... tristesse, truc comme ça. Non, ça, c'est vice versa. C'est pas genre un truc, genre les 7 péchés capitaux, c'est peut-être. C'est pas des nains non plus. Ils voulaient les appeler Hatchoum, Dormeur. Eh bien, non, ça devait être des noms de planètes à la base. Des noms de planètes de la galaxie. Ça aurait été chiant. Et l'idée étant tellement chiante qu'en effet, ils ont arrêté. Et c'est juste un des scénaristes, il a vu un t-shirt. T'es pas scénariste, toi ? Le gars a eu un flash, il a vu un t-shirt avec écrit Tokyo, il s'est dit « Oh bah c'est une évidence, on va faire les noms de villes, ça va être super !» Des noms de t-shirts ! Allez, ça va être Marcel. Super Marcel. On va faire des t-shirts, ça va être bien. Sweatshirt. Autre particularité, cette série, alors moi je m'y attendais pas du tout, ça a été un budget mais vraiment infime pour produire toute la série. Toute la série a été faite avec 565 000 euros. C'est rien du tout pour une série, pour un ordre d'idée. C'est le cachet de Gérard Depardieu dans Marseille pour un épisode. Pour un ordre d'idée, c'est 5,3 millions d'euros pour un épisode de Game of Thrones. Donc là, pour 1,5 million, ils ont fait toute la série. Oui, mais après, Game of Thrones, si tu compares, là, c'est vraiment une unité de lieu et puis c'est quasiment pour tout. Pour autant, quoi. Je pense que La Casa de Papel a rapporté autant que... Ah oui, non, bah, c'est clair, donc, je dis pas le contraire. Pour dire que là, c'était quand même très, très rentable pour le coup. Autre histoire... Est-ce que vous savez combien de fois a été réécrit le premier épisode ? 4. 12. Plus. Multiplié. La mer noire. 100. Divise par 2. 50. Rajoute 2. 2. 52. Hey, premier coup, les amis. Et en effet, 52. Il y a eu 52 versions. 52 versions du premier épisode. Je pense que le gars était indécis. Oh, si peu. Les gars, cette ligne-là me plaît pas. Change. Non, ça, ok. Ça, ouais, ça fait chier tout. Oui, bah c'est pas grave. Parce qu'à base, c'était un mec qui travaille. Dans le sud, qui est facteur, puis qui va dans le nord. Mais bon, ça avait déjà été fait. Donc... Et genre, il pleut quand il arrive. Ça avait déjà été fait. Il se prend une bagnole. Et il rencontre Patrick Bosson, policier. Après, voilà, que vous dire de plus ? Bon, Bella Ciao, on l'a entendu, on l'a surentendu. Que dire ? Bon, tout le monde le sait, c'est un chant partisan italien né dans les communautés antifascistes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Ah, c'est pas un truc de Maître Gims ? C'est pas un truc. En fait, il l'a repris. Ah bon, je crois que c'est original. D'ailleurs, c'est... on dit plus Maître Gims. Oui, on dit Gims maintenant. On dit Gims. Et oui. Et parce qu'il a raté le concours du barreau. Mais c'est pour ça. Est-ce que vous êtes chaud pour qu'on passe aux anecdotes Wikipédia ? Allez. Donc, savoir que sur Wikipédia, il y a une vraie section anecdotes sur la série. Il y a marqué anecdote nul à picorer. Mais vous allez voir, ça fait saigner des yeux. Hein. Enfin, c'est... Alors, première anecdote. Le mec s'appelle le professeur. Je vous les lis. Les voitures de la série de la police madrilène utilisées dans la série sont des Citroën C4 Picasso version 2. La voiture professeur. Elles sont toutes options ou pas ? Ibiza SXI. Elles sont toutes options ou pas ? Elles sont toutes options. Ah, bah voilà. C'est pas précisé d'ailleurs. Ah, okay. En revanche, la voiture de l'enquêtrice, Raquel Murillo, est une Peugeot 3008. C'est fascinant. Attendez. Les mecs, en fait, c'est Dominique Chapatte, le mec de Turbo, qui a écrit les trucs. C'est une horreur. Deuxième anecdote. Elle est classée en numéro 2 dans les anecdotes. En mai 2018, un fast-food de Villeurbanne a créé la Casa del Burger. Nomme ses burgers avec le nom des personnages de la série. Anecdote, les serveurs servent les clients dans les combinaisons des personnages de la série. Mais c'est le pire nom. La Casa des Burgers. Quel rapport. Bah, y a pizza de au minimum un jeu de mots genre Salam Esh quoi, tu vois. Ryan Air. Le saviez-vous ? Pour jouer son rôle à la perfection, l'acteur du professeur a dû prendre des cours d'origami. C'est Le méga, il y en a qui s'investissent comme Christian Bale, il perd 28 kilos et tout. Écoute, là faut qu'on te parle, ça serait bien que tu fasses des cours de origami. Non, oh, putain, non, les gars, je peux pas. Pas dans le contrat. Je propose qu'on rigole pas la prochaine anecdote, le point qui rigole a perdu. Ok, c'est un jeu. Ok, c'est un jeu. Les faits de la série ont failli se produire. En 2014, 8 personnes avaient été arrêtées, suspectées de vouloir braquer l'une des plus grandes imprimeries d'Europe située à Rennes. Raté, Arthur. Et du coup, en fait, c'était les scénaristes de la série, c'était pour le premier jet du premier épisode. Et les mecs, je suis désolé, je m'y attendais tellement les pas. Ils se sont fait choper à Dunkerque. Non, déjà, niveau géographie, mais zéro, quoi, les mecs. Bah écoute, Didier, je t'avais dit que c'était là. Bon, on dit pas les prénoms, on avait dit. Bon, bah on voit Casa del Burger. Allez, c'est parti. Revanche, je demande la revanche. Alors, j'en ai une dernière. Le saviez-vous, les faux billets utilisés dans la série sont fabriqués grâce à du recyclage. En effet, le papier utilisé provient du quotidien espagnol ABC. Encore Arthur. J'ai cru que t'allais dire, le saviez-vous, les faux billets utilisés dans la série sont en fait des vrais. Et du coup... Voilà. Donc je remercie Wikipédia pour cette barre de rire qu'elle m'a offert quand j'ai préparé cette chronique. Franchement, merci. J'en pouvais plus. Ouais. Juste celle sur les voitures, bah, ça m'a tué. Le savez-vous, la police utilise des Citroën C4 Picasso version 2. Bon, je trouve ça génial. Et sur ce, c'est tout pour moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Salut. On va passer tout de suite au jeu. C'est parti. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi, et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense! 100 000 francs gagnés, tête de cochon! Bon, fallait le dire tout de suite, il est où ce dés? Dés! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas, let's get ready to rumble! Et c'est le jeu, le 4 à la suite, le jeu! Erwan, c'est à toi! Le gars était pas vrai. En fait, quand Erwan est stressé, il devient espagnol. Voilà, si, qu'est-ce que ça va, ça va? Takira! Alors, je vous ai concocté un petit jeu. Ah. Un petit jeu qui va être interactif. Est-ce que tu peux parler un petit peu plus dans le micro, s'il te plaît? Sinon, on ne t'entend pas beaucoup, merci. D'accord. Bien sûr. Alors, c'est très simple. Le concept est simple. Hop, et un merci. Point pour Thomas. C'est bon, c'est ma idée, il a gagné. Non mais limite bouffe le micro vraiment. Je vais juste. Ah ok, c'est mieux. Ouais. Ah oui, clairement. Ah. Il nous aura fallu quand même 5 émissions pour apprendre à parler dans un micro. C'est assez fabuleux. Donc. Je vais vous dire des punchlines de films et vous devrez retrouver le film. Le réalisateur. Voilà. J'ai été bon là-dessus. Complètement. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer? Oui. Non. D'accord. Oui. Eh ben très bien. Je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Lego. Non. Ah, Predator. Non. Oh merde. Alien. Non. C'est un film un peu trash, on peut le dire. Hein. C'est un film. Ah, mais ça, un oh, ça me dit quelque chose. Chose. Je te dévisse la tête et je te. Donc... Judge Dredd. Non. C'est un film avec Chuck Norris. Non. Combien tu mesures? 1m80. Ah, t'as Full Metal Jacket. Exactement. Ah, mais c'est pas un film. Bah, si. Bah, Full Metal Jacket, c'est quoi alors? Ah, j'avais Full Metal Chimiste. Ah, pardon. C'est la même chose, mais avec des jackets. Yes. Bah. Ok, en facile là. Dark Vador. Bah, ouais, Star Wars. Ouais. Lequel? Mais du coup, comment tu l'as écrit sur ta feuille? Entre parenthèses, Ventoline. XZXZXZ. Alors, le suivant. Où tu sors, où je te sors. Dickelec. Oh, mais j'adore cette scène. Excessivement énervant. Excessivement agaçant. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et Hannibal, le silence des agneaux. Oui. Le silence des agneaux, pas Hannibal. Oui. Le seigneur des agneaux. Pour survivre à la guerre, il faut devenir la guerre. Rambo, lequel? Attention. 2. Ah, oui. Rambo 2. La mission Rambo. Ouais, pour le titre exact. J'étais sûr que t'as pas confondu avec le titre. Et au Québec, ça lui donne quoi, ça? Rambo 2. Rambo 2. La mission Céline Dion. Pourquoi? Pourquoi pas? J'aime me beurrer la biscotte. Ouais, c'est 717, c'est le Caire, je le crois. Premier. Le Caire des espions. Oui, c'est ça. Exactement. I'll be back. Terminator 2. 1. Qu'est-ce qu'il dit? Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte Forrest de Gump. Forrest Gump. Ah, je l'avais sur le bout de la langue. Alors, on attend pas Patrick? Camping 1. Là-dessus, je vous ai laissé. C'est vous qui passez pour des beaufs. Je suis tellement premier degré sur ce jeu. C'est clair. La victoire. Je vois des gens Sixième sens. Ah, on les entend moins, les premiers degrés, là. Hein. Je vois le personnage. Tu peux mettre des comédies plus. Françaises, s'il te plaît. Et bah, tiens, la suivante, c'est une comédie française, très bien réalisée, très bien écrite. J'ai les dents de la mer, mec, et les poils du rouquin. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. Les visiteurs? Non, bah non. Incontrôlable. Avec Michael Youn. Et c'est pas avec Thierry Lhermitte. Je sais plus, j'ai juste cette phrase là en tête et cette image du mec qui bouffe les poils pubiens du gars qui fait j'ai les dents de la merde et les poils du rouquin. Voilà. Oh mon dieu. Ils sont trois en France à l'avoir vu ce film, dont Erwan. Ouais, c'est ça. Et Florent d'ailleurs. Et tous les films de Michael Youn en général. Hein. C'est ça, on peut pas. À part Fatal. Je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Astérix, Obélix, Mission Cléopâtre. Mission Cléopâtre. Oui. Say hello to my little friend. Lionel Richie. Hello, isn't me all looking for? I non, can merde. See in your eyes. Allez, c'est un grand classique, Scorsese. Ah, les affranchis? Non. Bah si. C'est pas Scorsese. Ah, les incorruptibles. Non, c'est pas les incorruptibles. Je sais pas, c'était Scarface. C'est de Brian De Palma. Ouais, bah voilà. C'est okay. Ok, le mec fait un jeu sur les films, il connaît pas. Oui, je connais pas, moi. Silence. Rabbi Jacob, il va danser. Rabbi Jacob. Ouais, au hasard. Ouais, c'était vraiment difficile, disons, les gars. J'ai été bon là-dessus. Fuyez, pauvre fou. Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Oui. Touche pas au Grisby, salope. Tonton Flingueur. Oui. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça, c'est 2 points. Ça. Ok. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. La tour Montparnasse infernale. Oui. J'ai pas le temps. Jour, nuit, visiteur. Ouais. Tu es un sorcier, Harry. Harry Potter. À l'école des sorciers. Oh là, I am the only one to say Harry Potter. Voilà. Et bah, c'est tout. J'ai dit à l'école des sorciers. Le grand gagnant du jeu, c'est moi pour l'avoir préparé. Je te félicite. T'es un beau gosse. Merci à tous. C'était Culture Ims. On se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle émission. Là, j'ai hâte aussi. N'oubliez pas que nous sommes sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, Twitter et Instagram. Suivez-nous et surtout, laissez-nous des commentaires, que ce soit sur Facebook, Twitter, Instagram. On est même sur Spotify et iTunes, en plus de notre site cultureims.lepodcast.fr. On est partout. On est aussi sur YouTube. On a une chaîne YouTube. Abonnez-vous et mettez des pouces bleus. On sera très content d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à nous laisser vos avis et laissez-nous des 5 étoiles sur iTunes si vous nous écoutez sur iTunes avec un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. C'est comme ça qu'on sera aussi référencé dans les podcasts. Alors, j'ai bien envie de vous dire bonne journée ou bonne soirée, cœur sur vous et culturez-vous. Vive les chouquettes. Bisous. Au revoir tout le monde.